ouais, bizarre. Fin 2003, gars. Buffa. Je veux faire vibrer tes enceintes, faire bouger tes ancêtres. Je veux vous entendre gueuler un disque, t'es mon entrée dans l'enceinte. Qui comme moi veut revenir en l'an 5, lève le poing en l'air de sorte, yeah, moi jeune fils enceinte. Qu'elles soient toutes comme nos mères de vraies saintes. Avoue que c'est bizarre qu'il y ait autant de fuck dans le système, autant de fuck dans le pays que j'aime. Je suis pas distrait, pas timide, mais distant et un peu trop discret. Tu dis que tu kiffes ce qu'on fait, mais ça reste à prouver. Tu connais notre slogan, un pour tous pour un indice. Cela, rien ne pourra nous arrêter à part l'apocalypse. Avoue que c'est bizarre que des gars en automne et en gramme mettent sur le trottoir nos soeurs ou nos femmes et que l'état bouge pas. Je sais que c'est bizarre, mais dis-moi pourquoi un noir dans une belle caisse, ça fait pas mal, ça passe. C'est quoi ce qui dit les québras qui s'en soucient. Avoue que c'est bizarre. La vie ici bas, on vit tout ça à Ibiza et même à Touba. Les gars disent ça, même si c'est tout bas. Avoue que c'est bizarre, la vie ici bas, on vit tout ça à Ibiza et même à Touba. Les gars disent ça, même si c'est tout bas. Tous ces mômes de cité sont mômes qui finissent au placard au mieux. Ça, ça leur paraît bizarre. Mais pas qu'est-ce caisse noire, ces messes noires. Et tous ces mecs qui savent plus dire bonsoir. Si j'aime pas les parcs d'attractions, c'est parce qu'on vit déjà dans une foire. Ma seule consolation, tous ces MC au flora. Mec, je sais plus quoi penser. Entre Carole et Marie, Cécile et Elisabeth, y'en a marre, et ça me fait plus marrer. À ce rythme, je vais finir par squatter un 3 mètres carrés. Tout ce qu'elles veulent, c'est épouser ma carte de crédit. Elles sont ready à mon DD jusqu'au dernier radis. Minage des trucs du genre Fab CDD. Venise ou Agadir. C'est bizarre, la vie ici bas. On vit tout ça à Ibiza et même à Touba. Les gars disent ça, même si c'est tout bas. Avoue que c'est bizarre, la vie ici bas. On vit tout ça à Ibiza et même à Touba. Les gars disent ça, même si c'est tout bas. À vrai dire, la musique c'est ma vie. Donner mon avis à mes amis, parce que je crois que dans la vie tout est mathématique, pas comme ces filles qui pensent qu'à mathématiques. Quand je flingue, j'ai la rime automatique. Je suis aussi précis qu'un flic dans ses abus. Quand je prends le mic, j'en abuse. Et c'est pas trip, ma trip. Tous mes bandits et tous mes bandits. Si vous saviez à quel point vous nous manquez, à tel point que je saurais même pas vous donner d'indice. Hey, tu me connais, refrain, j'ai pas changé. J'suis toujours aussi bizarre, bizarre. Aujourd'hui, j'fais sensation. J'fais même du sel sans passer à l'action. Depuis que je rappe, je suis le Zorro de Sarah. Et donc je lui achète 8 ans, Prada ou Zara. Même si mon compte est à zéro. Même si mon compte est à zéro. Avoue que c'est bizarre, la vie ici bas. On vit tout ça à Ibiza et même à Touba. Les gars disent ça, même si c'est tout bas. Avoue que c'est bizarre, la vie ici bas. On vit tout ça à Ibiza et même à Touba. Les gars disent ça, même si c'est tout bas. 2003, gars, bizarre, un 10, un 4, Benz, Puffa, pour tous nos gars. Ouais, ouais, Montréal, ouais, Delirium, studio Delirium.